Chapitre 13. Le docteur était au comble de ses vœux. Il triomphait. Mélanie le conduisit sans détourner la tête dans le mystérieux bosquet. Sous de grands sycomores aux larges feuillages étaient disposés en effet de nombreux trapèzes. Le docteur ne comprit pas tout d'abord la raison d'être de cette multiplicité. Il lui fallut un examen attentif pour se rendre compte de l'organisation particulière de ce gymnase. Les trapèzes étaient divisés en deux jeux qu'une balançoire séparait. Chaque jeu se composait de 8 trapèzes très rapprochés l'un de l'autre et formant par des inclinaisons méthodiques un octogone régulier. Le gymnaste, suivant sa force musculaire, son degré d'habileté ou sa fantaisie, pouvait aller de l'un à l'autre, main à main, ou bien évoluer par saut hardi, de côté, en face, en arrière. Chaque trapèze était attaché à une poutre fixe. La balançoire médiane, au contraire, tenait aux branches de 2 arbres. Le gymnaste l'utilisait comme il l'eût fait d'un pont pour aller au second jeu de trapèze, remarquable en ce qu'il présentait des différences de niveau, l'un bas, un autre plus élevé. L'installation gymnastique était complétée par des cordes à nœuds, des anneaux et des barres parallèles. Le docteur Voitoux était partisan de la gymnastique hygiénique et médicale, pour laquelle, depuis plusieurs années, quelques hommes dévoués faisaient une active propagande. C'était le plus ardent prôneur de M. Eugène Paz, créateur de l'admirable établissement de la rue des Martyrs. Un gymnase privé n'avait rien qui l'étonnât, mais il ne s'attendait pas à trouver une organisation et des combinaisons semblables à celle-là. Il examinait chaque appareil, mimait les exercices et se reportant vers Mélanie, il se demandait comment cette jeune fille, si élégante, si svelte, pouvait fournir cette course aérienne qui eût effrayé plus d'un gymnaste de profession. Mélanie comprit ce jeu de physionomie. « Oui, docteur, voilà mon champ de manœuvre. » Y allant à un petit pavillon dont elle ouvrit la porte, « voici mon boudoir. » C'était une salle d'hydrothérapie d'une installation particulière aussi, des robinets fixés au mur sans tuyaux. Le docteur ne comprenait pas. Ses regards interrogatifs le disaient clairement. Mélanie, trop femme pour ne pas abuser quelque peu d'un étonnement qui flattait son amour-propre, dit au médecin de se tenir en dehors de la salle des douches. Elle poussa une porte dissimulée par une plaque de zinc et qui se ferma sur elle. Elle fit agir un ressort. Aussitôt, de tous les robinets jaillirent des colonnes d'eau convergeant au milieu de la salle et pouvant enserrer, par leurs diverses altitudes, un corps humain. La jeune fille arrêta cette inondation et revenant auprès du docteur. « N'est-ce pas que c'est ingénieux ? Par ce moyen, on peut faire soi-même toutes ces affaires. Ah, la première fois, on hésite devant cette multiple avalanche. On s'y habitue facilement. C'est si commode et si agréable. En une minute, la douche est prise, et bien prise, je vous l'assure. Il n'est pas une partie du corps hors de l'atteinte du jet. » Le docteur se pencha curieusement et examina la tête de Mélanie, dont la chevelure, simplement mais correctement arrangée, ne portait pas trace d'humidité. « Comment faites-vous donc ? » dit-il. « Vous n'avez pas une goutte d'eau dans les cheveux. » Il s'arrêta, interdit, bouche béante, les yeux écarquillés. Pour la première fois de sa vie, il venait de se trahir, et d'une façon si maladroite. Mélanie le regarda fixement, et d'une voix tristée, non courroucée. « Docteur, vous m'avez espionné, oh !»« Eh bien oui, pardonnez-moi. Pourquoi ne m'avoir pas interrogé ? Et parce que je voulais savoir. » Parce que dans ce siècle d'hypocrisie, le meilleur moyen de savoir, ce n'est pas de demander, il faut découvrir, il faut surprendre. Si vous étiez ma cliente, j'aurais le droit de vous interroger, ayant le droit de savoir. Je suis votre amie, comment pouvais-je deviner que vous êtes franche et sincère ? La jeune fille lui tendit la main. Je vous l'ai dit, j'ai confiance en vous. Je ne reprends pas ma promesse. Je vous raconterai toute ma triste histoire. Seulement, promettez-moi de ne plus m'infliger l'humiliation d'une soupçonneuse surveillance. Je ne sais pas mentir. La leçon est bonne, je ne l'oublierai pas. Que diable, aussi, les phénomènes devraient porter un signe distinctif ou un écriteau. Ici, on dit la vérité. Mélanie sourit, et pour lui marquer sa sympathie, elle prit le bras du docteur, puis « Le fait de la valse de ma bille vous prouve que je résiste à la fatigue et que je transpire difficilement. Pour que la douche produise un effet utile, cependant, il faut être tout au moins en moiteur. J'arrive par des exercices violents, par une voltige non interrompue d'un jeu à l'autre des trapèzes. Quand mes bras demandent grâce, Je cours à la salle d'hydrothérapie. Je me déshabille en un tour de main. Je me coiffe d'une sorte de double capuchon en caoutchouc percé seulement de deux trous à la hauteur du nez et de la bouche. Et je me lance au milieu des jets d'eau convergents. Je suis sûr, par ce moyen, de ne pas m'exposer à un transport au cerveau et de garder mes cheveux secs. Voilà, docteur, comment je fais. M'approuvez-vous? Je vous admire, tout simplement. Oh, vous oubliez qu'à deux pas de nous, de grosses larmes perlaient sur ses paupières, des sanglots grondaient dans son gosier. Mélanie, dit le docteur plus ému qu'il n'eût voulu le paraître, je vous en supplie, ne vous abandonnez pas au sinistre souvenir d'hier. Le passé explique le présent, qui n'est qu'un incident, et éclaire l'avenir, qui est la grande affaire. Vous m'avez promis votre confiance. Je vous ai voué mon affection. Oui, vous avez raison, point de faiblesse. Ils allèrent s'asseoir sur un banc qu'abritait doublement la voûte des grands arbres et une tonnelle de vigne vierge. La jeune fille se recueillit pendant deux ou trois minutes et commença son récit en ces termes. Les souvenirs de ma première enfance sont tellement vagues qu'ils n'existent pas. J'ai entendu quelquefois des personnes affirmer qu'elles se rappelaient leurs impressions depuis l'âge de 3 ans, de 2 ans même. Quant à moi, moralement, je date de ma 7e année, tout au plus. J'ai appris que j'avais été une enfant gâtée. J'étais la première née, mon père et ma mère faisaient toutes mes volontés. S'il y eut lutte dans le cœur de ma mère, ce qui est probable, s'il y eut transition dans sa conduite, ce que je crois, je ne me le rappelle pas. Tout ce que je sais, c'est que mon père fit une longue maladie et que je perdis ma suprématie dans la maison. J'avais vécu jusqu'alors dans les jupons de ma mère, comme on dit communément. Je fus repoussé par elle et relégué avec les domestiques. Je me vengeais sur les fleurs et les arbustes du jardin. Mais je cessai bientôt mes dévastations. Je m'aperçus que ma mère n'y faisait point attention, elle qui auparavant soignait son jardin avec amour. Elle restait au salon toute la journée et elle avait toujours des visites. Deux ou trois fois, je me trouvai avec elle au moment où M. de Mulsey arriva. « Va-t'en, » me dit-elle durement. Un jour, « je vous ai promis la vérité, docteur. Si pénible que soit cette confession, je vous la dirai. » Un jour, la porte s'était à peine fermée sur moi que j'entendis un bruit de baiser. Je ne m'expliquais pas la cause de ma douleur, mais je sentis au cœur un coup terrible. Il me sembla que je venais de perdre ma mère. Dès ce moment, elle me fit peur, et je vouais à M. de Mulsey une haine d'autant plus violente qu'elle était moins raisonnée. Hélas, j'ai vu et deviné bien d'autres choses plus tard. À mes yeux, M. de Mulsey était, à tort peut-être, la cause de mon malheur. Pour tout dire aussi, c'est par rapport à lui que j'étais brutalement battu pour la première et seule fois de ma vie. J'étais resté quelques jours sans le voir. J'avais entendu chuchoter les domestiques, et j'avais cru comprendre que l'irritation nerveuse à laquelle ma mère était en proie provenait du départ subit de M. de Mulsey. Cette nouvelle me fut très agréable. Il me semblait que cet homme parti, j'allais rentrer en grâce auprès de ma mère. Dans ma tête d'enfant, je tournais un petit discours qui me paraissait de nature à amener ce résultat. Je guettais le moment où ma mère serait seule. Je m'introduisis doucement et je courus à elle. À la voir sombre, les sourcils froncés, le courage me manqua. J'oubliais mon discours et je balbutiais sottement « Mulsey, Mulsey ». Ma mère bondit et m'appliqua un maître soufflet qui retentit dans mes oreilles et plus encore dans mon cœur. Je ne pleurais pas. Je jetai sur ma mère un tel regard de froid reproche qu'elle eut honte et vint à moi les bras tendus. Je la repoussai. Sans me rendre exactement compte de ce qui se passait en moi, je compris que de ce moment je n'avais plus de mère. Sur ces entrefaites, mon père, complètement rendu à la santé, me prit en grande affection. J'avais un frère et une sœur plus jeunes que moi. Mon père, se sentant isolé aussi dans sa maison, fit de moi sa compagne. Toutes ses heures libres, il me les consacrait. Nos repas étaient expédiés rapidement, silencieux et tristes. Puis, les enfants couchés, après-midi, pour la sieste, le soir, pour la nuit, ils m'emmenaient. Pendant le jour, nous allions faire de longues promenades, quel que fût le temps. Il profitait de tous les objets qui attiraient mon attention pour m'instruire. Quand j'étais trop fatigué, il me mettait à califourchon sur ses épaules et me déposait un peu plus loin. Jamais il ne me faisait asseoir. J'arrivais en nage. Alors il me confia à Miette, la seule des femmes de la maison en qui il eut confiance. Miette me déshabillait, me plaçait dans un grand baquet. Avec une éponge, elle me frictionnait tout le corps et m'enveloppait ensuite dans une couverture de laine. Cela me faisait du bien. Le soir, mon père m'apprenait à lire et à écrire. Je ne m'occupais plus de ma mère. Lui, pas davantage. Il fuyait sa maison. Je n'étais heureuse qu'avec lui. Je dois dire, pour être juste, que ma mère a essayé bien souvent de se rapprocher de nous. Moi, je l'aurais bien voulu, ayant perdu alors le souvenir du terrible soufflet. Instinctivement, je souffrais de cette séparation. Les motifs m'échappaient, le résultat me paraissait contre nature. Mon père restait dans son isolement. « Est-ce que je vous demande compte de votre conduite ?» lui dit-il un jour. « Puisque la femme est perdue pour moi, je veux du moins remplacer la mère. » Qu'est-ce que cela signifiait? Mon intelligence se développait, mais ces distinctions restaient mystérieuses pour moi. Le régime que mon père me faisait suivre me fortifiait beaucoup. J'étais grande pour mon âge. Nous habitions une maison située sur la lisière de la ville et dont le jardin s'étendait jusqu'en pleine campagne. Mon père fit établir un petit gymnase. Il remplaça nos promenades par des exercices. J'y pris goût bien vite. Les premiers jours, mes bras étaient comme brisés et tous mes membres endoloris. L'équilibre se rétablit et je me livrais avec passion aux trapèzes, à la corde à nœuds, aux anneaux. J'avais à cette époque des transpirations abondantes qui ont disparu peu à peu. Miette avait été mise à ma disposition et elle se montrait pour moi d'une complaisance infinie. Ce nouveau régime dura environ une année. Mon père avait continué à être mon professeur de gymnastique, de même que de lecture et du reste. J'étais physiquement et moralement très avancé. Aussi n'eus-je pas de peine à m'en apercevoir lorsque mon père devint sombre et qu'il perdit son activité. Il assistait encore à mes exercices de gymnastique, mais au lieu de me diriger, il s'asseyait sur un banc et le plus souvent, il ne me regardait même pas. J'allais à lui et je l'embrassais. « Qu'as-tu, petit père ? » lui disais-je de ma voix la plus câline. « Rien, mon enfant. » Mais il me serrait dans ses bras et j'entendais les battements de son cœur. Ma mère était allée faire un long voyage. Quand elle revint, elle s'aperçut du changement qui s'était opéré. Elle voulut obliger mon père à se soigner. Il y consentit. On appela le médecin du pays. Celui-ci demanda à un de ses confrères d'Aix, en grand renom dans la contrée. Ces messieurs furent très étonnés de l'état de mon pauvre père. Je m'étais glissé dans un coin du salon et je les entendis qui disaient « La science est impuissante contre cette maladie morale. À moins d'un miracle, c'est un homme perdu. » Le miracle ne se produisit pas. Mon père se traîna quelques mois et s'éteignit en murmurant « Mes pauvres enfants !» Hélas, oui, ces pauvres enfants. J'avais 9 ans. Mon frère en avait 6, ma sœur 4. Ils étaient trop jeunes pour souffrir de la mort de mon père. Moi, j'en fus affolé. Pendant plus d'un mois, j'errais dans la maison, dans le jardin, le cherchant, l'appelant, pleurant. Miette me suivait partout. On craignait sérieusement quelque acte de désespoir. À force de patience et d'attention, Miette parvint à me rendre le goût de la vie. Elle me remit la main au trapèze. « Un souvenir de votre père, » me dit-elle. Cette bonne parole me décida. Ma mère, cependant, avait pris la direction des affaires. On lui conseillait de procéder à une liquidation, sa fortune étant considérable. Elle refusa. Je crois qu'elle a été poussée par un sentiment de vanité qui s'est transformé plus tard en un goût très réel pour le travail. La mort de mon père ne modifia pas son genre de vie. Les enfants restaient relégués au jardin. Seulement, elle nous donna des maîtres. Elle partageait son temps entre les affaires et les réceptions. D'une activité merveilleuse, d'une ardeur communicative, elle présidait à la mise en train des fabriques et des ateliers. Et j'entendais dire, peu de temps après, que sa direction était des plus heureuses pour ses 3 industries, celles du pays, l'huile, les amandes et les paniers. Nous occupions, mon frère, ma sœur et moi, une plus large place dans son existence. Elle voulut nous garder auprès d'elle, et souvent elle assistait à nos leçons ou vérifiait nos devoirs. Ce retour affectueux aurait dû me toucher. Point. La mort de mon père avait ravivé mes souvenirs. Je sentais toujours sur ma joue le soufflet immérité que j'avais reçu, et je voyais des 2007 dans tous les hommes qui venaient à la maison et pour lesquels nous étions consignés au jardin. les mères sont bien coupables, qui laissent pénétrer le doute dans l'esprit des enfants. Une mère devrait toujours avoir ses enfants auprès d'elle, et les respecter à l'égal d'un aïeul vénérable devant qui, près de qui, on ne se permet aucun acte suspect, aucune parole ambiguë. Certes, je ne veux pas me faire meilleur que je ne suis. J'ai poussé trop loin cette répulsion, cependant. Mais avant d'aborder la période la plus lamentable de mon histoire, je veux noter un fait particulier. Ma mère n'avait fait aucune observation relativement à mes exercices gymnastiques. Miette, par affection pour moi, avait consenti à devenir, d'ouvrière, tout à fait servante. Les enfants lui étaient confiés. Je voulus apprendre à mon frère et à ma sœur à se servir des appareils. « Oh non » dirent-ils, « maman ne veut pas !» Miette confirma leur dire. « Et moi » m'écriai-je. « Vous, » répondit-elle, « c'est en souvenir de monsieur votre père. » Ce sentiment pieux aurait dû m'attendrir, il m'irrita. Ce que mon père avait jugé bon pour moi, pourquoi le trouvait-elle mauvais pour les autres? Vous le voyez, docteur, je suis une mauvaise nature. « Je crois que vous avez été une enfant extraordinairement précoce, » dit le docteur. « Mais ne pas aimer sa mère, c'est affreux. Ma chère enfant, ne faisons pas de généralité et surtout n'entrons pas dans l'examen des particularités. Que voulez-vous dire? Je vous en prie, continuez. Je tiens à connaître tout au moins votre opinion sur mon cas particulier. Vous le voulez absolument ? Oui. Eh bien, je crois que vous auriez été une fille aimante, attentive, soumise, dévouée. Si madame votre mère avait été une mère tendre. Il y a malheureusement dans le monde beaucoup plus de méchants que de bons. Les enfants sont bien souvent ingrats à l'égard des parents qui se sacrifient pour eux. Ô mère, créature sanctifiée par la douleur, par l'abnégation, par le sacrifice, c'est la règle. Ou bien, mais achevez de me faire connaître la monstrueuse exception que je pressens celle qui vous a donné le jour. Vous ne me repoussez pas. En conscience, je ne puis vous condamner. Vous qui n'avez trouvé ni satisfaction, ni encouragement auprès de votre mère. Vous qui n'avez reçu que de mauvais exemples. Vous qui avez su vous préserver de la contagion. Hein ? J'ajoute que vos appréhensions morales sont la preuve de l'élévation de vos sentiments. Mélanie, vous serez une bonne mère, au risque d'avoir des enfants cruels. Docteur, docteur, ne me donnez pas de folles espérances. Le docteur s'est élevé. Mélanie l'imita. Ils firent quelques pas sans parler, se dirigeant vers l'entrée du bosquet. Instinctivement, poussés par une sorte d'attraction, ils arrivèrent à la maison et se trouvèrent bientôt dans la chambre où gisait Julien de Mulset. Sans le vouloir, sans le savoir, dit le docteur, « cet homme a été le mauvais génie de votre enfance. Il sera le bon génie de votre existence de femme. Vous vous perdiez, inévitablement, il vous a sauvé. Il est des hommes qui réparent des fautes qu'ils n'ont pas commises. » Le docteur fut sur le point d'ajouter « et qui retirent de leurs actions de précieux avantages. » Mais ayant étudié à la dérobée la physionomie de la jeune fille, il constata que Mélanie ne voyait en Julien qu'une victime et qu'un cadavre ressuscité. La réaction ne s'était pas produite entière. La jeune fille restait absorbée dans ses souvenirs. Les événements de Mabille et du bois de Ville d'Abray formaient dans sa pensée le dernier épisode de son récit. Elle en revoyait par la pensée tout l'enchaînement. « Venez, docteur, » fit-elle après un long silence. « Je n'oserai jamais continuer ici ma confession. » Ils redescendirent au jardin, et cette fois c'est en marchant côte à côte que l'une parla, tandis que l'autre écoutait. Mélanie reprit son récit en ces termes. « Tant que je fus enfant, je souffrais sans pouvoir analyser ma souffrance. Peut-être, si j'avais eu des amis, aurais-je pu comparer ce qui se passait chez nous avec ce que faisaient les autres. Mais j'étais seul, toujours seul, avec mon frère et ma sœur. Ils ne venaient à la maison que des messieurs. Je savais cependant qu'il y avait d'autres demoiselles de mon âge dans le pays. » Le dimanche, quand j'allais à la messe, je les voyais en traversant l'église pour me rendre à la place que nous occupions près du chœur. Je remarquais même qu'elles me regardaient curieusement. L'isolement m'avait rendu timide, je devrais dire sauvage. Je m'en aperçus bien lorsque le moment fut venu de faire ma première communion. Le curé exigea que je suivisse le catéchisme avec les autres petites filles. Je me sentis gêné au contact de ces enfants. Volontiers, j'aurais fait des avances aux petites paysannes. Les demoiselles m'intimidaient, non que juste de la fierté, non que l'idée me vint d'une supériorité de fortune. Il me semblait au contraire qu'elles étaient plus que moi du fait des relations amicales de leur famille. Je les voyais en effet réunies et chuchotant. Elles étaient trois demoiselles le premier jour du catéchisme. Le jour d'après, elles manquèrent toutes les trois. Cette absence simultanée me frappa au cœur. Je sentais que l'on faisait le vide autour de moi. En retournant à la maison, je voulus interroger Miette qui m'accompagnait. Miette est d'une discrétion absolue. « Je ne sais pas, » répondit-elle avec ce calme désespérant qui est si étrange chez une provençale. Je me hasardai à rapporter l'incident à ma mère. Elle pâlit et se mordit les lèvres. « Les mères, » me dit-elle, « ont craint de ne pouvoir donner à leur fille une toilette aussi belle que la tienne le jour de la première communion. » Cette explication ne me convainquit pas. J'ai appris depuis que la coquetterie est surexcitée par la vanité. Je n'étais ni vaine ni coquette, étant toujours seule. Mon costume de communiante ne me fit aucun plaisir, bien qu'il constituât une exception sur laquelle le curé ferma les yeux et qu'il fût magnifique. Une robe blanche couverte de broderies, un long voile en vraie dentelle. Ma mère avait attendu pour m'emmener que l'église fût remplie de monde. Quand je parus, un murmure d'admiration s'éleva de la foule. Ma mère me dit tout bas, « Tu vois bien que j'avais raison. » Je ne vis qu'une chose, c'est que les places des dames étaient vides. Ma mère avait donné à l'église, à l'occasion de ma première communion, une très belle garniture du maître-autel. Était-ce aussi par jalousie que les autres dames s'étaient abstenues d'assister à la messe des communiantes? Ces incidents vous paraissent sans doute insignifiants, et vous croyez que je m'en exagère la portée. Je vous affirme que mes pressentiments ne me trompaient pas. Je n'étais qu'une enfant, je n'avais que l'instinct. Bientôt, j'eus la vision très nette de la réalité. J'avais 13 ans lorsqu'il se produisit en moi un très grand changement. J'avais éprouvé un malaise indéfinissable. J'avais comme honte de moi-même. Ma mère s'en aperçut. Après m'avoir questionné, elle me dit « Tu es bien jeune encore. Cependant, c'est possible. » Et elle m'avertit de ce qui devait m'arriver. « Ce n'est rien, » ajouta-t-elle. « Ne t'effraie pas. Cela te reviendra souvent. » Toutes les femmes ont ce malaise périodique. Il n'y a rien à faire qu'à se tenir tranquille. Tu t'abstiendras seulement de gymnastique. Ce que je compris le mieux dans ces recommandations, c'est que j'allais être femme. Je m'attendais à quelques manifestations extraordinaires, à quelques coups de foudre. La transition ayant été sourdement douloureuse, je fus humilié. Ce qui me contraria le plus, c'est que la gymnastique m'était interdite. Je sentais que ma mère avait sagement agi en m'avertissant, mais cette privation de mes exercices habituels m'en fit apprécier toute la valeur. Jusqu'alors, la gymnastique avait été un plaisir, elle devint un devoir. Je me disais au plus profond de ma conscience que mon père avait voulu me donner un préservatif. Je m'appliquais avec passion à le rendre efficace, d'autant plus qu'au jour d'interruption, j'éprouvais des inquiétudes que je ne pouvais dominer. C'était ou bien des torpeurs et des lassitudes brûlantes, ou bien des surexcitations fiévreuses. J'étais aussi grande et aussi développée que je le suis aujourd'hui. Ma mère me donna à diriger les études de mon frère et de ma sœur. Je m'en acquittais avec goût. Cela m'affirmait femme. Plusieurs fois, je voulus convertir ma mère à la gymnastique. Je ne m'explique pas pourquoi elle s'y refusa obstinément. Il était manifeste pourtant que j'étais plus forte, et surtout mieux portante que mes frères et sœurs, celle-ci particulièrement pâle et maladive. Ce qui m'étonnait aussi, c'est que ni l'un ni l'autre n'avaient d'abandon avec moi. Je les caressais, je m'ingéniais à leur trouver des moyens nouveaux de s'amuser, je jouais avec eux, vainement. Ils ne m'aimaient pas, ou plutôt, ils paraissaient me craindre. Mes occupations nouvelles m'avaient distraite de ce qui se passait à la maison. J'y fus ramenée forcément. Je vous ai dit qu'il ne venait jamais de dame chez ma mère. Depuis que j'étais femme, je remarquais que les garçons seuls ou étaient admis ou fréquentaient chez nous. Je remarquais aussi qu'aussitôt mariés, ils se retiraient, les uns par degrés, les autres brusquement. Saint-Cana est une trop petite ville pour que les jeunes gens de la bourgeoisie se renouvellent incessamment. Ma mère, prévoyant les désertions trop nombreuses, avait étendu ses relations. Elle donna d'abord des fêtes assez modestes, auxquelles furent conviés des notables de Lambesc, Puis elle agrandit son cercle d'invitations et attira des négociants, des avocats et même des magistrats d'Aix. On s'amusait beaucoup, paraît-il. Quant à moi, j'assistais au dîner, puis je me retirais dans ma chambre. J'avoue que je ne dormais guère les jours de réception et que j'étais troublé par toutes sortes de bruits qui remplissaient la maison. Nous occupions, les enfants, la partie la plus reculée du second étage. Je n'y avais pas été tranquille. Je ne m'y serais pas senti en sûreté sans miettes qui s'enfermaient avec nous. J'avais 18 ans lorsque cette existence de fête et de bruit subit une interruption. Ma sœur avait beaucoup souffert à l'époque critique. Sa pâleur était devenue plus diaphane, ses mains avaient une moiteur maladive. La nuit, je l'entendais souvent gémir, surtout quand la maison, pleine d'étrangers, retentissait de joyeux éclats. Quand je lui demandais ce qui la faisait souffrir et gémir, elle détournait la tête. Une nuit, j'eus peur. Je me levai et j'allais dans sa chambre pour lui porter secours. À la lueur de ma bougie, je la vis dans un état de surexcitation tout à fait extraordinaire. Elle était rouge comme une pivoine et toute suante. Ses yeux étaient battus. Je la crus sérieusement malade. « Ce n'est rien, » me dit-elle. « J'ai eu le cauchemar. » Mais le lendemain matin, quand je la vis affreusement pâle et dolente, je ne pus m'empêcher de lui conseiller de se confier à ma mère. Elle refusa et se mit à rire, mais d'un rire sarcastique qui me fit froid au cœur. 15 jours après, elle se mettait au lit pour ne plus le quitter jusqu'à sa mort. Ma mère fut très affectée. Elle ferma sa maison pendant quelques mois et se mit sans répit au travail. J'étais heureuse de ce changement. Ma joie fut de courte durée. Je m'aperçus bientôt que le contremaître de notre fabrique d'huile prenait une influence prépondérante. Il fut admis à notre table, irrégulièrement d'abord, puis à tous les repas. Il se faisait servir en maître, et l'on avait pour lui des attentions continuelles. Mon frère était au collège. J'étais seul dans cette sorte de tête-à-tête à trois. Je souffrais de cette situation sans oser rien dire. L'homme, d'ailleurs, un grand gaillard carré des épaules, se laissait faire, mais n'abusait pas pendant les premiers jours. L'abus était inévitable. Il mangeait comme 4 et buvait sec. Il buvait surtout. Je me levais de table aussitôt le repas terminé et avant qu'on eût servi le café. Un jour, je venais de ranger ma chaise et je me retirais. « Mélanie !» cria ce butor en renversant en arrière sa grosse face. « Mélanie, donne-moi ma pipe !» Je me retournais, pâle de colère, frémissant d'indignation, et m'adressant non à cet homme mais à ma mère, « Sachez, du moins, lui dis-je, me faire respecter moi. » L'homme éclata de rire. Ma mère avait rougi. Si peu que j'eusse conservé de sang-froid, je crus qu'elle ressentait l'humiliation que je venais de subir. Point, elle voulait défendre son hôte. « Mademoiselle !» s'écria-t-elle, balbutiant de fureur. Cette colère me rendit toute ma présence d'esprit et très calme. « Fort bien, dis-je, je saurai me faire respecter moi-même. » C'était plus facile à dire qu'à faire. J'aurais été très forte contre une agression. J'étais désarmée contre un siège en règle. La scène violente s'était passée le matin. Je m'étais retirée dans ma chambre et je vous laisse à penser quelle triste journée je passais. Miette n'avait pas paru. Je la vis qui rôdait dans le jardin dans la direction de ma fenêtre. Je devinais que ma mère l'avait retirée de mon service. À l'heure du repas du soir, une domestique vint me dire « Mademoiselle est servie. » Je ne descendis pas et je me couchai sans souper. Le lendemain matin, à un moment où j'étais à peu près certaine de ne rencontrer ni ma mère ni le contremaître, j'allai au jardin. J'avais hâte de savoir si l'un ou l'autre n'avait pas supprimé mes appareils de gymnastique. Heureusement, il n'en était rien. Je respirais. Me prendre par la famine, c'était assez. Je me mis à mes exercices, me réservant de manger quelques fruits. Près du gymnase, mon père avait fait établir autrefois une petite cabane dans laquelle se trouvait à peu près ce qu'il fallait pour remplacer l'hydrothérapie. Un grand réservoir, de l'eau et des éponges. Miette m'avait épongé et séché pendant longtemps, mais depuis que la pudeur me rendait craintive et respectueuse de mon corps, je faisais moi-même ces opérations après avoir soigneusement fermé la porte de la cabane. Je fus agréablement surprise de trouver sur un escabeau un petit déjeuner préparé. Bonne miette, je mangeais avec d'autant plus de plaisir et d'appétit que c'était du fruit défendu. C'était bien par la famine que ma mère voulait me réduire. Je crois sincèrement qu'elle facilitait à Miette sa supercherie, car ma mère n'était pas méchante au fond. Le matin et le soir, j'étais averti que le repas était servi et c'était tout. Pour le reste, on ne s'inquiétait nullement de moi. J'allais, je venais librement. Je dois dire que je ne rencontrais pas une seule fois ni ma mère ni le contremaître. Ceci va vous paraître impossible. C'est absolument vrai, cependant. Cette situation dura 4 mois et 9 jours. Je n'avais vécu que grâce à l'intervention discrète de Miette. Elle, je ne l'avais vue que de loin, par ma fenêtre. Elle évitait même de me faire des signes d'intelligence. Sa consigne devait être très sévère. Un matin, ma mère frappa à la porte de ma chambre que j'avais verrouillée à l'intérieur. « Qui est là ? » demandai-je. « C'est moi, ouvre !» répondit-elle. Je ne saurais rendre le sentiment que j'éprouvais. J'avais perdu l'habitude de cette voix. J'avais pris mon parti de ma réclusion. Mon isolement avait l'avantage de l'indépendance et de la liberté. Je ne m'étais jamais demandé comment cela finirait. Vaguement, j'entrevoyais que la libération ne viendrait qu'à ma majorité. Et je ne m'effrayais pas trop de rester séparé du monde pendant 18 mois. Je n'imaginais pas que ma mère viendrait elle-même. Je croyais la connaître assez pour croire qu'elle m'enverrait un ambassadeur. Sa voix me troubla. Je fus saisi au point de ne pas aller à la porte. Je n'avais pas peur, j'étais ahuri. « Tu peux ouvrir, » reprit ma mère, « je suis seul. » Cette insistance, qui avait tout le caractère d'une excuse, détermina en moi un accès de sensibilité. Je fondis en larmes, et la porte ouverte, je me jetai dans les bras de ma mère. C'est une de mes plus grandes émotions. À ce moment, j'avais tout oublié, et j'aurais sincèrement fait un pacte d'alliance. Je le fis, mentalement, je vous le jure, et ce n'est pas moi qui le brisais si tant est, ce que je crois, que ma mère ait été dans les mêmes dispositions que moi. Du passé, il ne fut pas question, quand elle se fut dégagée de mon étreinte. « Je donne un grand dîner demain. Je désire que tu y assistes. »« Très volontiers. Voyons si tu as une toilette convenable. » Et elle se mit à vérifier ma garde-robe. Nous fouillions ensemble les armoires et les placards. Ce fut charmant. La journée, si bien commencée, continua et finit de même. Ma mère me fit participer aux préparatifs de la fête. Nous fîmes un peu de musique aussi. Sans être forte musicienne, je joue du piano assez bien pour qu'on ait plaisir à m'écouter, et ma voix est juste. Je laissais courir mes doigts sur les touches et je les déraidis sans trop de peine. Je m'essayais à chanter. J'étais si contente que ma voix ne se montra pas trop rebelle. Je parcourus la musique nouvelle. Il y avait un morceau manuscrit sur lequel ma mère attira mon attention. Je l'étudiais sans penser à mal, croyant à une copie. Titre, Héros et Léandre, romance dramatique. Poésie ordinaire, musique ordinaire. La seule originalité consistait en ce que le rythme des couplets était vif et vigoureux, tandis que le refrain avait des modulations tendres et langoureuses. Ce contraste me plaisait. Ma mère me demanda si je pourrais chanter le lendemain Héros et Léandre. Je le promis. Je me doutais si peu de ce qui devait arriver. Le contremaître n'assistait pas au dîner. Le contraire m'aurait plus qu'étonné. C'eût été monstrueux. Pour en finir avec cet homme, non seulement il n'assistait pas au dîner, mais il avait quitté la maison et le pays. Son apparence athlétique était trompeuse, faut-il croire. Il avait été mordu par les premières bises d'hiver. Entamé, il s'était comme fondu, par l'effet sans doute aussi de son intempérance. Je sus qu'il se mourait de consomption à Nice. Je reviens au dîner, ou plutôt j'arrive à la soirée qui le suivit. Ma mère annonça que j'allais chanter. Personne ne me connaissait ce talent. J'avais jusque-là si peu compté dans la maison. Je remarquai un vif mouvement de curiosité. Plusieurs de ces messieurs se rapprochèrent du piano. Je sentais que le regard m'analysait comme si j'eusse été une étrangère. Par le fait, j'étais inconnu à la plupart d'entre eux, ou nouvellement admis, ou qui n'avaient jamais fait attention à moi. J'avoue que je fus flatté d'être quelqu'un. L'amour-propre me donna du courage, de la hardiesse et me rendit maîtresse de mon émotion. En présence de 2 ou 3 personnes, j'aurais été timide. Dans un salon plein de monde, je n'eus aucune fausse honte, je ne me fis même pas prier pour aller au piano. La foule isole. La curiosité mêlée d'étonnement redoubla lorsque je m'assis sur le tabouret que je mis au point. J'ai l'habitude de m'accompagner en chantant. Ayant vécu seul, j'ai dû apprendre à me suffire à moi-même. Pour une personne quelque peu musicienne, c'est une simple affaire d'exercice, mais cela produit toujours un certain effet de surprise. Je commençais par un morceau d'opéra. Je fus applaudi. Ma mère me demanda Héro et Léandre. Je fus félicité par l'auteur, car cette composition était l'œuvre d'un amateur. Je n'avais pas pris garde à la page du titre. Je la regardais. Le nom de l'auteur s'y étalait en toutes lettres. Héro et Léandre, romance dramatique, paroles et musique, par Léon de Reynaud. Et tout en haut, à Madame Ripert. Cette découverte tardive me rejeta dans mes mauvaises pensées. Mon éblouissement d'amour-propre de tout à l'heure s'évanouit. Je me retrouvais en face de nouveaux périls. J'en fus averti immédiatement par ma mère elle-même, qui, s'étant rapprochée, affecta de me traiter en petite fille. Nos regards se croisèrent, et je vis clairement dans ses yeux que le pacte muet de la veille, si pacte il y avait eu dans sa pensée, était brisé. J'ai la triste divination du malheur. Je ne savais plus quelle contenance garder. J'étais agité par un tremblement nerveux. Exécuter un morceau sur le piano, ce qui eût fait diversion, m'était impossible. Chanter, plus encore, mon gosier se serait refusé à articuler un son. Pleurer m'eût soulagé, mais pour un empire je n'aurais pas laissé échapper une larme. Je ne distinguais rien ni personne. Malheureusement pour moi, le sens de l'ouïe avait acquis dans le trouble de tout mon être une finesse et une sensibilité extraordinaires. J'entendis un monsieur qui disait tout bas, à une extrémité du salon, « Quelle audace !» se servir de sa fille pour faire une déclaration. Ce qui n'empêcha pas le même monsieur d'adresser quelques instants plus tard d'hyperboliques compliments à ma mère. Tout cela s'était passé avec une effrayante rapidité. Je n'avais qu'une perception confuse de cette scène dans laquelle j'avais joué un rôle inconscient. J'étais profondément humilié. Comment cette situation étrange se dénoua-t-elle? Je ne saurais le dire ni l'indiquer. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'ayant quitté le piano, je me trouvais au milieu d'un groupe et que ma mère me dit sur un ton où perçait la hautaine moquerie et d'une voix qui me parut une menace « Je te félicite, tu as eu beaucoup de succès. » Oui, j'avais eu du succès, pire des choses qui pouvaient m'arriver. Dès ce moment, ma mère vit en moi une rivale, et Dieu sait cependant que je ne pensais pas soutenir la lutte avec les armes de la coquetterie. J'ai à peine besoin de vous dire que M. Léon de Reynaud fut le triomphateur de la soirée et qu'il devint l'hôte très assidu de la maison. C'était un des plus jeunes conseillers de la cour impériale d'Aix. Distingué de manières, de sentiments délicats, il masquait, sous les dehors d'une exquise politesse, des relations que je ne pouvais pas ne pas définir exactement. Je lui sus gré de cette attitude. Vous allez voir qu'il en fut bien mal récompensé. Il avait accepté la mission de me sonder au point de vue du mariage. À vrai dire, j'y pensais, et je me proposais de présenter à ma mère cette solution parfaitement naturelle et convenable. J'accueillis donc les ouvertures de M. de Reynaud très franchement, sans minauderie. Les romans, que je lisais beaucoup à cette époque, ne m'avaient pas influencé au point de me rendre hypocrite. Le mariage, pour moi, c'était la délivrance. Restait à trouver un parti. J'étais riche, la nature ne m'avait pas disgracié. Il me semblait que ce devait être facile. Je m'attendais à une présentation prochaine. Cette présentation ne se fit que 2 ou 3 mois plus tard. En y réfléchissant, j'étais étonné moins de ce retard que de la venue d'un prétendant. Le mariage que ne prépare pas un entraînement de mutuelle sympathie est une affaire très sérieuse, la plus solennelle qu'un honnête homme puisse conclure. Je comprends très bien que mon nom devait être un épouvantail. Cependant, M. de Reynaud, après avoir beaucoup cherché, sans doute, trouva un homme plus hardi ou plus ambitieux. C'était l'un des substituts du procureur général, fort bien dans sa jeune gravité, un peu trop magistrat, peut-être, dans la vie privée. M. Victor Béranger me fut présenté de telle manière que je ne pouvais me méprendre sur ses intentions. Dire qu'il réalisait pour moi l'idéal et que je l'agréais avec enthousiasme serait mentir. Dire que je le considérais comme un pis-aller serait lui faire injure. Il avait une belle position sociale, il pouvait prétendre à de grandes situations, arriver aux honneurs. J'étais flatté par les perspectives d'avenir. et puis le mariage me donnerait un chez-moi, et me retirerait d'une tutelle aussi lourde pour la pupille que gênante pour la tutrice. J'étais donc favorablement disposé à faire la conquête de M. Victor Béranger, à devenir la femme du substitut du procureur général. De fait, nous nous entendîmes très bien en peu de jours. Sa gravité s'atténuait près de moi d'une pointe d'enjouement spirituel. J'approchais de ma 21e année. Mon futur époux me fit comprendre qu'il était convenable d'attendre ma majorité. Je ne savais pas trop pourquoi, mais j'y consentis volontiers. Fatale pensée, ajournement désastreux. J'éprouvais une grande joie. Je sentais mon cœur se gonfler d'espérance. Mon bonheur était raisonné et sans emportement, mais c'était du bonheur. J'eus peut-être le tort de trop le montrer. Je m'aperçus bientôt, à des symptômes certains, que j'avais à le défendre, ce bonheur entrevu. Ma mère avait pour M. Béranger des attentions qui me paraissaient excessives. Je ne m'en préoccupais pas tout d'abord. Mais ayant constaté des mouvements de contrariété et d'impatience chez M. de Rénaud, je portais mon attention tout entière à bien observer. J'étais trop intéressé maintenant pour ne pas veiller. Mon imagination se refusait à concevoir que ce fût possible. C'était vrai. Pensez de moi tout ce que vous voudrez. J'écoutais aux portes, et j'entendis ce que j'avais entendu autrefois avec M. de Mulset. Ce fut le coup de grâce. Je ne pleurais pas, je ne gémis pas, je ne me désolais pas. Je pris au contraire une irrévocable résolution, celle de quitter la maison de ma mère. J'attendis sans affectation M. Béranger. Il eut l'audace de venir à moi en souriant, aimable, la bouche en cœur. J'étais au jardin, un livre à la main, par contenance. Je ne me laissais pas le temps de mentir. « Je sais tout, » lui dis-je. « Je ne vous fais pas de reproches. Si vous êtes un honnête homme, répondez-moi. »« Mademoiselle, que signifie ? Pourquoi vouliez-vous attendre ma majorité ? Mais n'est-ce point parce que j'aurai le droit de me faire rendre mes comptes de tutelle et de disposer moi-même de ma fortune, à mon gré, librement ? » Il eut une inclinaison de tête affirmative. « C'est tout ce que je voulais savoir, merci. » Et je m'éloignai du côté de l'habitation. Il me suivit, balbutiant je ne sais quelles excuses. Je le clouai sur place, par un regard de froid mépris, et sans plus de réflexion, j'allais trouver ma mère. J'étais trop courroucé pour employer des périphrases. « Madame, j'aurai 21 ans dans 3 semaines. Je vous avertis que j'ai l'intention de vous demander mes comptes de tutelle. » Je m'attendais à une violente explosion de colère. À mon grand étonnement, ma mère me répondit avec beaucoup de calme. « Ils seront prêts. Si cela peut vous être agréable, je vous les rendrai tout de suite. » J'aimais mieux cela. Ma mère supprimait le tu. J'étais déjà une étrangère. Une affaire d'intérêt est brutale. À quoi bon la compliquer d'une affaire de sentiment ? Sur le même ton. « Merci, » dis-je. « Je crois qu'il est préférable pour vous et pour moi que nous restions dans la légalité. Comme vous voudrez. » Ce fut tout. Mon cœur avait été tellement surmené que je n'eus pas un tressaillement de regret. Miette m'avait été rendue. Je lui demandai si, le cas échéant, elle consentirait à me suivre. La pauvre fille crut m'être très agréable en me disant « Je serais très heureuse de servir Madame Béranger. » Et si je sortais de cette maison sans être mariée ? Elle fut si ahurie que je me reprochais ma franchise, mais elle me rassura tout aussitôt. « Oh, mademoiselle !» s'écria-t-elle. « Encore quelques malheurs. Quoi qu'il arrive, comptez sur moi. » « C'est comme si vous ne m'aviez rien dit. Je ne sais rien. » Elle se mit à pleurer. Moi, j'avais toujours le cœur insensible et les yeux secs. Pendant les 3 semaines qui me restaient à attendre, nous n'échangeâmes pas une parole, ma mère et moi, si ce n'est, à table, par exemple, les mots d'absolue rigueur. Le jour anniversaire de ma naissance, un notaire vint qui lut, en présence de 2 témoins, un acte interminable auquel je ne compris rien du tout, si ce n'est que j'avais à recevoir 437 264 francs pour la part me revenant dans la succession de mon père, augmentée de celle de ma sœur. Le notaire fit des réserves. La loi exigeant un délai de 10 jours pour l'examen des comptes de tutelle nous passa outre. On me remit une liasse de titres, lesquels avaient été inventoriés et estampillés après la mort de mon père. Je les pris et montai chez moi pour faire mes derniers préparatifs de départ. J'enfermai mes titres, de la rente française, 3 et 4 et demi, et des obligations de chemin de fer, dans un sac. Ce devait être tout mon bagage peu volumineux, mes titres de rente étant tous 2 000 francs. J'ai été résolu à ne rien emporter de la maison maternelle. J'y laissais tout mon trousseau, tous mes souvenirs de jeune fille, tout mon passé. Malheureusement, abandonner des objets matériels est la seule chose facile et possible. Miette était prête à partir aussi. Ses malles étaient bouclées. Je l'avais envoyée chercher une voiture de louage qui devait nous transporter le jour même à Aix. Je descendis, ayant à la main mon sac et sur le bras une couverture de voyage. Je redoutais la dernière entrevue que j'aurais avec ma mère. Ma résolution était irrévocable, mais je sentais mon courage faiblir et mon cœur mollir à l'idée que j'allais faire ce que l'on appelle un coup de tête, me mettre en révolte ouverte contre le monde. De plus, descendant au fond de ma conscience, je n'avais pas de haine. J'étais dominée et contrainte par une inexorable fatalité. J'étais bien décidée à le dire à ma mère en lui faisant mes adieux. Ma mère jugea préférable de me laisser partir sans me voir. Elle était sortie. Le notaire seul m'attendait. En termes très mesurés, avec beaucoup de bienveillance et de bonté, il essaya de me détourner de mon projet. Il me dit que la société, constituée comme elle est, pardonne tout, excepté ce qu'elle considère comme une bravade et une insulte. Il insinua que sans doute ma mère avait eu des torts, mais que j'étais peut-être trop susceptible. Ayant discrètement exprimé le regret que mon père ne fût plus là pour me conseiller et me défendre, il me donna à entendre que si je le voulais, par son intermédiaire, tout pouvait s'arranger à l'amiable. Je remerciai le notaire, animé de bonnes intentions, mais ignorant la véritable situation. Je lui fis grâce des réflexions ironiques qui montaient sur mes lèvres. Je le priai seulement de faire remarquer à Madame Ripert que je quittais sa maison avec le strict nécessaire et n'emportant que ce qui m'appartenait. La voiture était devant la porte. Miette avait placé ses malles. Je lui laissai le temps de faire ses adieux aux gens de la maison, et je sortis. Le notaire m'accompagna jusqu'à la voiture. Je lui demandai la permission de l'embrasser, ce que je fis de grand cœur. J'avais la superstition de croire que cette accolade couperait le dernier fil qui m'attachait au passé. C'est ainsi que j'ai quitté la maison de ma mère et mon pays natal. J'ai eu pour seul témoin de cette fuite au grand jour un notaire et 2 ou 3 domestiques regardant par les persiennes des fenêtres. Mes économies de jeune fille que j'avais emportées servirent au menu frais du voyage. Je ne fis que traverser Aix et je pris le train express de Paris. Je dois dire, parce que cela est vrai, que je n'étais ni ému ni attendri, mais je dois ajouter que j'étais très embarrassé. Je n'avais jamais voyagé. La fortune que j'emportais avec moi m'inquiétait. Le moindre incident me rendait perplexe, et pour donner le change à mes compagnons de voyage, aux employés du chemin de fer, à tout le monde, j'affectais une imperturbable assurance. Je ne me sentis réellement en sûreté que lorsque je fus installé au Grand Hôtel. Mais alors mon exaltation tomba, et j'eus quelques journées de morne abattement. Qu'allais-je faire dans ce Paris où je ne connaissais personne ? 20 idées plus saugrenues les unes que les autres traversèrent mon esprit. Celle qui s'y implanta le plus longtemps et que j'eus le plus de peine à chasser était d'annoncer dans tous les journaux qu'une jeune fille de 21 ans ayant 20 000 francs de rente désirait épouser, etc. Je devenais positivement folle. Avec son rude bon sens, Miette me dompta par la fatigue, à l'imitation de mon pauvre père. Elle avait remarqué qu'à Paris on fait de très longues courses sans s'en douter. Elle s'ingéniait pour m'entraîner à la promenade. Une fois hors de l'hôtel, de magasin en square, de boulevard en quai, elle me faisait marcher pendant des heures. Je rentrais exténué et n'aspirais qu'à dormir. Le sommeil chasse les pensées importunes. Un jour, je passais devant le palais du Conseil d'État. Je me rappelais qu'un ami intime de mon père occupait une situation dans cette assemblée. Je retrouvais son nom et me procurais son adresse. Je lui écrivis. Le lendemain, il vint à l'hôtel et me demanda tout naturellement par suite de quelles circonstances je me trouvais seul à Paris. Sans entrer dans les détails, je lui dis que j'avais été dans l'absolue nécessité de me séparer de ma mère. Il fronça les sourcils et me fit de longues remontrances. Ne voulant rien dire, je fus obligé de les subir. Et je sais bien que cela ne se fait pas, qu'une jeune fille bien élevée ne s'en va pas courir le monde. Mais ce que ma mère m'a fait à moi ne devrait pas se faire non plus. Bref, M. Guermandy, conseiller d'État, ancien camarade d'école de mon père, me donna à entendre que, n'étant ni femme mariée ni veuve, je ne pouvais être reçue nulle part. Je m'en doutais. La certitude ne m'en fut pas moins pénible. J'étais au banc de la société. J'avoue que j'eus un instant de froide rage et que je regrettai ma fuite, honorable à mon sens, déshonorante aux yeux du monde. J'aurais pu être dévergondé là-bas, en respectant les conventions sociales. Je ne pouvais pas être une honnête femme ici. La preuve allait m'en être donnée. « Vous devez bien vous ennuyer, ma chère enfant, » ajouta M. Guermandy. « Si mes souvenirs ne me trompent pas, votre malheureux père m'avait fait part du mode d'éducation qu'il avait imaginé. Avez-vous persévéré dans vos exercices gymnastiques ?»« Oui, toujours. C'est même une de mes grandes privations. » M. Guermandy me parla de la maison que j'habite. Il savait que le propriétaire cherchait à la louer et me conseilla d'aller la visiter. Vous pensez avec quel empressement je la louais ? J'ai même signé un bail de 9 ans, résiliable seulement tous les 3 ans. Je m'y suis établi confortablement. J'ai fait des dépenses considérables de mobilier, de linge et de garde-robe. Je n'avais rien. Il est probable que je serais resté obscurément chez moi sans un incident que je vais rapporter en 2 mots. M. Guermandy venait me voir. J'avais plaisir à causer avec lui. Il me rappelait mon père par son âge et par ses souvenirs. Il m'avait rendu un véritable service en m'indiquant cette maison. Mais il voulait me le faire payer très cher. Ses visites n'étaient nullement désintéressées. J'étais seul, sans défense. Après 3 ou 4 visites, il m'offrit d'être mon protecteur. Ne comprenant pas où il voulait en venir, ignorant que le mot « protection » a un sens particulier pour les hommes qui ont la prétention d'être les maîtres de leur maîtresse, je lui répondis étourdiment « J'y compte bien ». Alors il voulut me prendre la taille et m'embrasser, disant « À la bonne heure, vive les filles émancipées !» Quelle idée se font donc les hommes de la vertu des femmes ? On dirait vraiment que la société est une réunion de gamins indisciplinés, contre lesquels il faut constamment qu'une femme se garde et qui guette l'occasion propice, croyant que toutes les femmes livrées à elles-mêmes sont une proie pour qui veut les prendre. Je mis M. Guermandy à la porte. Je fus tellement irrité que j'eus la téméraire pensée de me prouver à moi-même qu'une femme, quand elle le veut bien, peut se faire respecter toujours et partout. C'était à la fin du mois de mai. J'étais arrivé à Paris au commencement d'avril. Le Figaro, que je lisais quelquefois, avait raconté je ne sais quelle histoire scandaleuse qui s'était passée à Mabie. J'envoyai Miette voir ce qu'était cet établissement. Miette parle peu, elle observe beaucoup. Elle me fit textuellement ce rapport. Mabie est un bal au milieu d'un jardin. Il y a beaucoup de messieurs qui s'ennuient à regarder beaucoup de femmes qui cherchent à attirer leur attention. « Nous irons à Mabie, » lui dis-je. « Vous savez le reste. » Insulté par un inconnu, j'ai crié vengeance. Insulté par M. de Mulset, j'ai voulu me venger moi-même. Mélanie se tut. Le docteur réfléchissait. Il y eut un long silence. « Je sais le reste, oui, » dit enfin le docteur. « Mais je ne connais que les événements extérieurs. Voulez-vous me permettre une question ?»« Oh, docteur, après ce que je vous ai dit, vous ne pouvez douter que je ne vous réponde avec la plus entière franchise. » Le docteur hésita. « Allons, » dit Mélanie, souriant tristement, « il faut que je vous aide. Vous voulez savoir pourquoi je suis allé au mystérieux inconnu qui seul se montrait indifférent à mon égard et qui mettait une persistance affectée. Et mon Dieu, je me croyais plus forte et mieux aguerrie. J'étais flatté, adulé, recherché, poursuivi. Mes triomphes faciles ne me suffisaient plus. Je voulais dompter ce rebelle. Et s'il vous avait suivi sur ce terrain ? » Mélanie baissa la tête. « Je n'ose penser à ce qui serait arrivé, » murmura-t-elle. « J'étais folle. Maintenant qu'un fatal événement m'a rendu la raison, je me dis que je n'étais pas assez dompté moi-même. Pour la vie à laquelle je me suis condamné, il faut que j'aie des muscles d'acier et un cœur de bronze. Je n'avais encore, il y a 3 jours, que des muscles d'acier. Voilà qui complétera ma cuirasse, » ajouta-t-elle en montrant les appareils de gymnastique. Puis, s'animant, « Oui, j'étais sur le bord de l'abîme. Je m'étais juré 100 fois de ne jamais imiter l'exemple que j'avais eu si longtemps sous les yeux. Mon serment, je l'aurais tenu. Si j'avais eu le sort de toutes les jeunes filles, j'aurais été une honnête femme. lancé malgré moi dans un monde qui au fond m'était odieux. Je m'étais laissé attirer par un homme dont l'attitude révélait un caractère, car je suis femme après tout. Monsieur de Mulsey me l'a dit. Je suis dévoyé. Mais à qui la faute? J'ai compris trop tard sa chevaleresque conduite. J'étais aveuglé par la colère et par la haine, d'autant plus coupable que j'avais appris 2 jours auparavant que ma mère avait vendu tous ses établissements de 5 annas, et qu'elle a acheté à Aix la plus importante maison de commerce de cette ville, depuis longtemps l'objet de son ambition. Tenez, ne parlons plus de cela. Sans le malheur dont je suis cause, je bénirais la brutale franchise de M. de Mulsey. Il m'appliquait un coup de cravache qui est le pendant du soufflet que je reçus à son sujet. Le soufflet a empoisonné mon enfance et ma jeunesse. Son démenti aura un effet diamétralement opposé. Il fait de moi une femme, et quoi qu'il arrive, une honnête femme, je vous le jure, sans craindre maintenant de manquer à mon serment. » Le docteur tendit la main à Mélanie et lui témoigna sa sympathie par une vigoureuse étreinte. Il est des circonstances où le silence est plus éloquent que les protestations.